Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone de Danny Veilleux. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport en parlant du dossier des Castors de Dolbeau. Il y a eu une réunion mercredi soir, une réunion d'information avec les parents pour mentionner un peu qu'est-ce qui se passe actuellement. Ce qu'on peut vous dire ce matin, c'est qu'il y a trois scénarios d'envisager. Le premier scénario, c'est qu'il y aurait une formation de Midget 2B avec les Castors de Dolbeau. Une fois que l'équipe du Marcos Pop de Saint-Félicien serait faite. Donc, ce qui veut donc dire que les joueurs retranchés du Marcos Pop auraient le droit de s'aligner avec les Castors de Dolbeau. Deuxième scénario, il y aurait une équipe de Midget A et une équipe de Midget B. Et le troisième scénario, ce serait il y aurait deux formations de Midget A et une formation de Midget B. Maintenant, ce qui a trait les entraîneurs, semble-t-il qu'il pourrait y avoir un entraîneur de nommé au moment où que l'équipe serait confirmée. Aussi, on se donne jusqu'au 23 septembre pour prendre une décision finale dans ce dossier. En entrevue sur les ondes de danadiosport.com, Danny Lavoie a quand même bien expliqué la situation. Au moment où on se parle, il n'y a pas encore de décision d'arrêter non plus. Tout est encore en étude, puis en train de se démarcher. Là. Fait qu'on attend un petit peu pour voir là, qu'est-ce qu'il va y avoir d'un développement d'un prochain jour. Puis s'il faut qu'on demande un délai, c'est sur la table aussi. Ça se peut qu'on demande un délai d'extension pour former l'équipe. Donc, le but premier, toujours d'essayer de conserver les Castors, mais pas à n'importe quel prix. Là. On veut pas des joueurs qui vont venir remplir des chandails. Uniquement parce que ça a le temps de venir. Il faut que ce soit aussi de calibre puis qu'on soit capable. Daniel Lavoie confirme qu'il y aurait actuellement un entraîneur d'approcher et il pourrait être confirmé dès que l'équipe sera confirmée pour l'édition 2016-2017. Pas de confirmation encore. Okay. Bien entendu, les candidats qui ont été approchés, la plupart, c'était conditionnel à ce qu'il y ait bel et bien une équipe. Tu sais qu'ils ne veulent pas prendre de décision nécessairement tout de suite. Mais oui, pour l'instant, sans nommer le nom, là, il y a quelqu'un qui pourrait peut-être prendre l'équipe dès qu'on aura confirmé s'il y a équipe ou non. OK. Est-ce que... Et dans un dernier temps, Daniel Lavoie mentionne qu'il a l'aide de la Fédération québécoise du hockey section Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, absolument. Écoute, je peux te dire que depuis qu'on a sonné l'alarme la semaine passée, les autres travaillent de l'arrache-pied. On est pas mal de priorités actuellement là, okay. De leur côté. Là, ils passent beaucoup de temps sur notre midget à nous, de notre côté. La Fédération aussi, Hockey Québec, est au courant. Les autres aussi savent que les Castors, c'est quand même une institution importante pour nous. Ça a peut-être 60 ans ou quelque chose comme ça. Fait qu'ils ne veulent pas les voir disparaître de cette façon-là non plus. Mais là, c'est important de comprendre que si on n'est pas capable de présenter un calibre, fait que les activités vont malheureusement être suspendues pour un an. Et puis ça fait toujours partie des scénarios envisagés. Là. C'est pas ça le but, mais ça fait partie. Parlons maintenant de Shane Gauthier. Shane Gauthier qui a été blessé lors du deuxième match entre les Blue Bombers de Winnipeg et les Stampeders de Calgary. Shane Gauthier qui est revenu dans l'entourage des Blue Bombers de Winnipeg. Il est maintenant sur l'équipe d'entraînement. Hier, sur les ondes de danadiosport.com, il a mentionné comment cette blessure est survenue. Durant la semaine de pratique, okay. Durant l'entraînement, j'ai eu une blessure du dos. Je pensais être correct pour jouer le match. Puis finalement, pendant le match, je ne me sentais pas à l'aise. J'ai décidé d'arrêter durant mon premier combat. OK. Shane Gauthier a expliqué que la direction des Bombers l'a rencontré vendredi dernier pour lui indiquer que l'équipe allait le mettre sur l'équipe d'entraînement. Hier, dans son édition d'hier, le journal Le Quotidien, sous la plume de Louis Potvin, nous apprenait une nouvelle quand même intéressante, c'est qu'il y a sept joueurs de la polyvalente Jean Dolbeau qui ne pourront s'aligner pour le moment avec les Centurions de Saint-Félicien au football. Or, le règlement stipule que les joueurs qui s'alignent avec les Centurions de Saint-Félicien doivent aller à la polyvalente des 80. Un règlement que la Commission scolaire Pays des Bleuets n'avait pas porté attention. La polyvalente 80 a demandé une dérogation au groupement Sport Québec. Tout en admettant leur erreur, il y a une lettre qui a été envoyée à ce regroupement mentionnant que la suspension des joueurs mettrait un frein à leur développement et leur chance de participer à une équipe de football collégial. Le dossier est actuellement en appel et on va surveiller évidemment le tout de très très près. Et hier, l'équipe canadienne de patinage de vitesse a dévoilé son équipe pour l'édition 2016-2017. Pas de surprise, hein? Marianne Saint-Gelin est toujours là, Cassandra Bradette également, et il y a Rosalie Tremblay de Saint-Félicien également qui fait partie de l'équipe de développement. J'invite avec la section entrevue de DonaldoSport.com. Hier, je me suis entretenu avec Shane Gauthier de Dolbeau-Mistassini qui s'aligne avec les Bombers de Winnipeg. Danny Lavoie vient faire un compte-rendu de ce qui se passe actuellement dans le dossier de la survie des castors de Dolbeau. Et vous pouvez également écouter la chronique de Michel Lallemand. Le sport local et régional à DonaldoSport.com. On s'en occupe.